vacation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants clever words. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 112e Vampire Afrique, chaque semaine à la même heure sur Radio Favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, c'est la Vampire Afrique, c'est Spike et je suis avec vous pour 2 heures de folie. Merci pour tous vos gentils messages par rapport à l'émission de la semaine dernière. Merci au groupe de me faire passer leur son. Si vous faisiez pas ça, ben je sais pas comment il y aurait d'émission. Au programme cette semaine, de la nouveauté, du gros son culte, enfin plein de bonnes choses. On commencera tout de suite avec Tortuga Bay de Running Wild. C'est sur l'album Death or Glory, sorti le 8 novembre 1989. On retrouve Riding the Storm, Evolution et Death or Glory, un classique de chez classique. On continuera avec Genetic Overkill de Tankard. C'est sur l'album Beast of Bourbon, leur 11e album sorti le 12 avril 2004. On retrouve Sleeping from the Reality, The Horde et Fistful of Love. On continuera ensuite avec Wider in the Heart de Butch Walker, c'est sur l'album Stay Gold sorti le 26 août 2016. On retrouve East Coast Girl, Irish Exit et Record Store. On continuera ensuite avec une nouveauté, Sweet Love de Nevermind the Car, c'est sur un EP éponyme 6 titres. On retrouve Innocent, Elastic, Come With Me, Never Let You Go et Angels Falls et Sweet Love. Allez sur la page Facebook de Nevermind the Car, ils sont aussi sur toutes les plateformes et ils sont chez Kebra Records. On continuera cette émission, ce bloc avec Reggae Review en live de Alton Ellis. C'est sur l'album Still in Love de 1977. On retrouve Confusion, Give It the Reason, Play It Cool, du son reggae culte. Lost. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Peace. connected with the sound of the Rocksteady, and this one says, Shoot. baiser. Ça y est. Ça y est. Respect to you. Love you. Ah, jusqu'à la dernière minute, ah oui, la dernière minute, Alton Ellis. Vous êtes toujours dans la 111e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Tortuga Bay de Running Wild, Genetic Overkill de Tankar, Wider in the Heart de Butch Walker, Sweet Love de Nevermind de Carr, et on a fini ce bloc en live avec Regret View de Alton Ellis. On continuera cette émission avec Cool As It Gets de, Golden Earring. C'est sur l'album Tits and Ass, sorti le 11 mai 2012, on retrouve Time Bomb, Dope Runner, Flower in the Mine. Là aussi, il y a une sacrée carrière, Golden Earring, il y a 50 ans de carrière, c'est énorme. On continuera avec une nouveauté, mes cousines de Intox Leader. Le clip vient de sortir sur YouTube, allez sur la page Facebook de Intox Leader et un petit like au passage. Ils préparent un album, allez sur leur chaîne YouTube, allez-y faire un tour, c'est vraiment du bon punk français. On continuera avec une autre nouveauté, Kissing the Turtle de Darkoustics. C'est sur l'album Gate, sorti le 7 avril 2017. On retrouve The Snake, The New Sheriff et une Vino Veritas. Allez sur la page Facebook de Darkoustics. C'est lui qui a composé le générique Vampire Freaks et qui a donné son nom à cette émission. On le retrouve sur YouTube, Bandcamp, téléchargement prix libre sur Bandcamp, ça c'est vraiment génial. Et on continuera ensuite avec Sweet and Dandy de Toots and the Metals, c'est sur Sweet and Dandy, sorti en 1968. On retrouve Pressure Drop, Scary et Monkey Man. Et on finira ce bloc en live avec Per Aspera ad Inferi, oui, la route droite pour l'enfer de Ghost. Et c'est en live, c'est sur l'album Infestisunam, sorti le 10 avril 2013. On retrouve Secular's Haze, Body and Blood et Depth of Satanize. Tonight's your night, baby. fois mes cousines, il crie comme une anguille. Puis depuis son derrière, Sophie s'envoie en l'air. Élastique la Francine, ou très bien mes cousines. Cathy déjà au lit, se caresse les oursines. Gueule pas entre les seins, du désir féminin. Remue fait que maté, les cours bien écartés. Laurent zizi tout dur, se frotte contre le mur. Ludo prend des photos, car il aime le porno. Mes cousines. Oi, oi, oi. Hoi hoi hoi. Hoi hoi hoi. Dans le groupe des cousines, on n'accepte pas les trolls. Il y a que des quepons attirés par le fion. C'est des sacrés punkettes qu'on peut prendre dans le bret. Position missionnaire, Marcel est toujours prêt. Nadia, Nadia, vas-y, c'est le jour des cousines. Approchez, menottez, si t'es bien mal barré. La fin de la journée n'est pas prête de s'arrêter. La partie des cousines ne fait que commencer. Mes cousines. Hoi hoi hoi. Hoi hoi hoi. Hoi hoi hoi. Hoi hoi hoi. Hoi hoi hoi. We'll be right back.

Ah, il est bon ce dernier album live. Vous êtes toujours dans la 112e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient d'écouter Cool As It Gets de Golden Earring, Mes Cousines, le nouveau Intox Leader, Kissing the Turtle, le nouveau Dark Acoustics, Sweet and Dandy de Toots and the Metal, et on a fini ce bloc en live avec Per Aspera des Enfury de Ghost. On continuera cette émission avec Something for Nothing de Rush. C'est sur l'album 2112, leur quatrième album sorti le 1er avril 1976. On retrouve EPC to Bangkok, The Twilight Zone et Lesson. La première piste de l'album 2112, ouverture de Temples of Syrinx, fait plus de 20 minutes et Rush a annoncé sa tournée d'adieu. On continuera ensuite avec Your Man de Dennis Brown, c'est sur l'album Full Play, sorti le 9 octobre 1981. On retrouve On The Rocks, Come On Baby et I Follow My Heart, un classique de chez Classic Reggae. On continuera avec du vinyle Conquista de The White Stripe, c'est sur l'album Ike Sump, leur sixième album sorti le 15 juin 2007. On retrouve You Don't Know What Love Is, You Just Do What You As You Told. Ils font chier. Little Cream et The Catch of Hell Blues. On continuera ensuite avec une nouveauté, We All In This Together, le nouveau Walter Trout et Joe Bonamassa. L'album porte le même nom, c'est un album de duo qui est sorti le 25 août 2017. On retrouve And Going Back avec Sonny Landreth, Mr. Davis avec Robbie Fred et Somebody Going Down avec Eric Gallis. Ça joue vraiment sévère hein, dans ces albums, hein, ça joue de la guitare comme il faut là. Et on finira ce bloc en live avec Should I Stay or Should I Go de des Clash, c'est sur l'album Live at the Shea Stadium, sorti le 6 octobre 2008. On retrouve London Calling, Rock the Casbah, English Civil War, pour moi le meilleur album des Clash. Let your heart be the answer. no creía en el amor, no tenía corazón. Y hasta que ella lo miró. Y extrañamente las cosas cambiaron. Ya nada fue igual para él. La presa se convirtió en cazador. El cazador se convirtió en presa. Conquista. Ella gana esta conquista. Su destreza de mujer dominó todo su ser. Fue muy fácil la conquista. Ya nada fue igual para él. La presa se convirtió en cazador. El cazador se convirtió en presa. Conquista. Ella gana esta conquista. Su destreza de mujer dominó todo su ser. Fue muy fácil la conquista. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. I go. If you say that you are mine, I'll be here till the day I die. Come on and let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, decisions bugging me. Hey, seems you better rest up. You don't want me, set me free. See, you're killing about me. Exactly who am I supposed to be? To the side. Don't you remember where you met me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Vous êtes toujours dans la 112e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Something for Nothing de Rush, Your Man de Dennis Brown, Conquista de White Stripe, We All In This Together, le nouveau Walter Trout et Joe Bonamassa. Et on a fini ce bloc en live avec Should I Stay or Should I Go, en live des Clash. On continuera cette émission avec, là, ce bloc-là, c'est que des nouveautés. La première des nouveautés, c'est Ansel, le nouveau Bad Trip. C'est sur l'album Les Contes de la Crypte, sorti le 31 octobre 2017. On retrouve Fuck Me Freddy, Gretel et mon titre préféré, car nous sommes nombreux. Allez sur la page Facebook de Bad Trip. Ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Je les adore. On continuera avec une autre nouveauté, Punky Booster. Le Post 942, c'est sur l'album Long Play, sorti le 15 juin 2017. On retrouve Color of Red, Whiskey et Pigs in Paradise, ils sont sur Facebook Bandcamp. Le clip de Punky Booster vient de sortir. Allez le découvrir sur YouTube. Ils sont aussi sur toutes les plateformes légales. Et une petite bise à Seb, le guitariste au passage. On continuera avec une autre nouveauté, Ici et Maintenant, de Eric Arma et Generation. C'est sur l'album Citoyen du Monde, le premier album solo de Eric Arma, puisqu'il fait partie de Broussailles. Je ne sais pas si, histoire de vous tenir au courant. C'est sorti le 6 octobre 2017. On retrouve Citoyen du Monde, Avant de partir, dont le clip vient de sortir, et Droit devant. Cet album est sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Allez sur la page Facebook de Eric Karma, et il est bien sympa parce qu'il me l'a envoyé quand même, l'album en version numérique, il me l'a envoyé lui-même. Et ça, c'est énorme quand même. Et on continuera avec Sharped Card de Dusk of Delusion. C'est sur l'album Funfair, c'est même une exclue, puisque l'album sortira le 9 mars 2018. On retrouve White Words, Siamese Versality et Take Me, du bon brutal avec un goût de pomme. Ça arrache sévère. Allez sur la page Facebook de Dusk of Delusion, un petit like au passage, et j'ai hâte qu'on les découvre ailleurs. Et on finira ce bloc en live avec Démocratie de Trust. C'est le nouveau. C'est sur le Hellfest 2017. On retrouve Marche ou Crève, Surveille ton look, et bien sûr, Antisocial, tu perds ton sang-froid. We'll be right back.

figurant à l'acteur. On ne veut plus être spectateur, mais bien réalisateur. Depuis trop longtemps, de vous on se lasse, car vous vous jouez de nous en nous traitant comme une menace, tels des bandits ou des voyous, alors que nous n'avons que faire de vos bijoux. Combien de nuits encore devrons-nous passer debout? On veut vivre libre ici et maintenant. Right now, my bro, we're gonna sing out loud. We want freedom of our money and gold. Que nos pages s'écrivent en profitant pleinement. Operation, they over the land, say one by one, another man down. We come as one to say freedom we want, so we stand firm, fist in the air, carrying the voices of the people out there. And the flame burn, now it's clear, a generation now at any frontier. Sure. Bigger heads only matter for the money and loss. Mr. Government, I promise things where no one can trust. Can't fool the people and drop them in the dust. I want thing me happy, say your freedom is a must. So we craving for the rise of wise and conscious leaders, standing for the rights of all the freedom seekers. Vivre libre ici et maintenant. Right now, my bro, we're gonna sing out loud. We want the freedom of our money and gold. Que nos pages s'écrivent en profitant pleinement. Together we must come, remain as one. This will not go wrong, and this bunch of morons, someday we'll go down, so them better run. We get a better eyes, cause the time is now to be brave and bold. Cause there's a million lies that we done been told. We can't take it no more. Unis mais toujours indépendants, ensemble on prendra l'ascendant. Même si la lutte doit durer 100 ans, c'est un devoir pour nos descendants. On n'hérite pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Ressens-tu le vent du changement? Oh, il est temps de vivre libre ici et maintenant. chanson s'appelle Démocratie. We'll be right back. depuis que l'homme a débarqué. Avec deux armes redoutables, dans une main un flingue d'acier, dans l'autre une Bible au discours impeccable. Avec la Bible humiliée, avec le flingue il t'a battu. Change en maître de louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est bon ce Trustin-là. Vous êtes toujours dans la 112e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans notre salon. On vient de s'écouter Hansel, le nouveau Bad Trip, Punky Booster, le nouveau Post 942, Ici et Maintenant, le nouveau Eric Arma et Generation, Sharped Card de Dusk of Delusion, et on a fini ce bloc avec Démocratie en live de Trust. On écoutera une nouveauté avec Jeux d'enfant, le nouveau Lulu Gainsbourg, c'est sur l'album Tequila qui sortira le 9 février prochain. On retrouve Tequila, Jeux d'enfant et Love is the Key. Je tenais à remercier Ante Acoste et les disques Mercury de m'avoir fait parvenir les trois singles gratuitement et moi avec ma petite émission. Allez sur la page Facebook de Lulu Gainsbourg, il est sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera avec Gosta la Vida de Joanda, c'est sur l'album Entre deux mondes sorti en 2014. On retrouve le pont qui danse, Gosta la Vida et De Terre. Allez sur la page Facebook de Joanda, il est sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera ensuite avec Open Up the Gate de Congos, c'est sur l'album Art of the Congos, sorti en 1977. Et oui, on retrouve Congoman, Can't Come In et Solid Foundation, du son reggae culte. Ah oui, je vous l'avais dit, hein, les reggae, c'est du bon lourd. On continuera avec Crazy Monkeys, le nouveau Plomb, c'est sur le P3 titre Unity qui vient de sortir. On retrouve Crazy Monkeys, Runaway et Unity. Allez sur la page Facebook de Plomb, ils sont sur Bandcamp, YouTube et bientôt les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Qui se soucie de nous de Jacques Dutronc. C'est sur l'album Casino 93. On retrouve L'Opportuniste, Merde in France, La fille du Père Noël. Enfin, tous les classiques de Jacques Dutronc. Et sur scène, c'est vraiment quelque chose quand même, Dutronc. Même pour lui. était beau et de façon crescendo. On parlait d'amour comme dans une chanson de Gainsbourg. On se croyait comme dans un nocturne de Chopin. On pensait tous pouvoir décrocher la lune. C'était une sorte de déclaration. Et puis nos rêves, et puis sa trêve. On titubait et on se serrait, ivre de rire, ivre d'un amour géant. Mais pour le dire, on était vivant. C'était un jeu d'enfant. On se sentait gagnant. D'un temps les plus grands jouaient aux plus perdants. Nous faisions les 400 coups, mais sans aucun tabou. Car la vie est une chance qui se vit sans seconde danse. C'était deux jeunes enfants qui se sentaient vivants. D'un temps les plus grands perdait tout en jouant. Alors retrouvez l'innocence de vos espoirs en la chance. Car la vie est une danse qui a tant d'importance. C'était un jeu d'enfant. On se sentait gagnant. D'un temps où les plus grands jouaient au plus perdu. Aucun tabou, car la vie est une chance qui se vit sans seconde danse. C'était deux jeunes enfants qui se sentaient vivants. D'un temps où les plus grands perdaient tout en jouant. Alors retrouvez l'innocence de vos espoirs. Salut à toi ici et là, je salue bien tous mes frères, mes amis. On invente des pas sur les guitares qui résonnent à l'envie. À l'amitié, je lève mon verre. Le jour de danse est arrivé à l'endroit comme à l'envers. Je tourne, tourne, tourne la ronde avec les fadas du monde. Soleil qui ne se couche jamais. Vers la rue de la soif, je t'embarque des heures valsées. À l'amour, je lève mon verre. Allons enfants du grand Fesnos, à l'endroit comme à l'envers. Je tourne, tourne, tourne la ronde avec les fadas du monde. Gusto, gusto, gusto della vita. Gusto la vita. Gusto, gusto, gusto la ben. Gusto, gusto la vida. Gusto, gusto, gusto ben la vida. Gusto la ben. Gusto, gusto, gusto te la ben. Gusto, gusto, gusto la vida. Chaque jour, chaque seconde, tourne, tourne la ronde au balai. Ba-da-ba-da-ba-da. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Dance with the monkeys, dance with the monkeys. The crazy monkeys are all around me. Mais qui se soucie de nous? Par où? Mais qui se soucie de nous? Par où? Mais qui se soucie de nous? Par où? Mais qui se soucie de vous? De la ruse, vous avez la science infuse des zones ministrées, vous avez du vol et bien sûr le monopole, c'est tout juste l'oracle. Mais qui se soucie de nous, par où? Mais qui se soucie de nous, par où? Mais qui se soucie de nous, par où? Mais qui se soucie de vous? Théorie, la pratique, cela va. Mais vous avez aussi la technique vraiment des cadors. Écoutez vos discours, c'est badour, chacun son tour. Sinon, l'issue de ce coup. Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de vous? On vous a regardé, on vous a supporté, on vous a acclamé, on vous a acclamé, on vous a réclamé, on peut plus vous respirer. Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de nous, par vous? Mais qui se soucie de vous? On vient de s'écouter Jeux d'enfants de Lulu Gainsbourg. Pour la petite histoire, tout l'album Tequila, le piano était enregistré sur le piano de Serge Gainsbourg rue de Verneuil. Et ça fait plaisir de réentendre sonner ce petit piano. On a écouté ensuite Ghost a la Vida de Joanda. On a eu ensuite Open Up the Gate de Congos. On a eu ensuite Crazy Monkeys, le nouveau plan, et on a fini ce bloc en live avec Qui se soucie de nous de Jacques Dutronc. Cette 112e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira cette émission avec Spanish Lady de The Mahones. C'est sur l'album Angels and Devils, sorti le 13 novembre 2012. On retrouve Shakespeare Road, The Waiting et Whiskey Trime. Allez sur la page Facebook de Mahones. Ils sont aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes légales, et YouTube aussi. Merci aux camarades Bier de Skoypunka de m'avoir fait passer ce son, parce qu'il est très difficile à trouver chez nous. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Afrique, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! So